Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus en nombre pas mal, on va dire. Et donc aujourd'hui, bon, donc vous êtes au CIRA, ceux qui connaissent pas pour en discuter après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, puisque la causerie de Jean-Jacques sera suivie d'un petit verre sympathique, on va dire. Donc Jean-Jacques, c'est une vieille histoire entre nous, parce qu'il est membre du CIRA depuis les années 80, je pense. Je n'ai pas trouvé l'année exacte, mes archives remontent à 86, et il est déjà venu nous parler au moins 4 ou 5 fois, parce qu'il a divers sujets d'intérêt, notamment les anarchistes chinois. C'était le premier à écrire ou à diffuser une partie de l'histoire des anarchistes chinois et de l'écrivain Bajin, notamment. Il a été un des fondateurs d'un centre qui ressemble un peu au nôtre, qui se trouve à Montpellier, qui s'appelle le CAD, Centre Ascasso-Durruti, qui est spécialisé vraiment sur l'Espagne, mais qui fait partie de notre réseau de bibliothèques. Et puis, tu fais partie, depuis le début, c'est la revue qui s'appelle Réfraction. Réfraction a fêté ses 20 ans il n'y a pas longtemps. Et on a profité pour réfléchir et changer de format. Donc là, vous en avez quelques exemplaires qu'on fait à prix sans bénéfice. Donc ça sera à 10 balles le numéro de Réfraction. Que vous dire d'autre? Alors, pourquoi le procès Papon? Parce que Jean-Jacques est militant anarchiste, mais il gagnait sa croûte comme avocat. Et puis même une sorte de avoué, je crois que tu as été. Et avocat, notamment, à la fin de sa carrière, il était président du syndicat des avocats de France. Mais avant ça, il a travaillé pour la Ligue des droits de l'homme. Il a suivi tout le procès Papon. Et donc, il en est sorti un livre en 1999, donc un an après la fin du procès. Mais tu veux nous raconter si cette édition, il y a du nouveau, si ça a été mis à jour? Ça, j'ai pas eu le temps de l'éplucher. Que vous dire d'autre? Donc oui, effectivement, tu es venu nous parler des Chinois, de la revue Réfraction, de la situation en Chine, effectivement, de parti communiste. Est-il un parti vraiment communiste ou est-il contre les travailleurs? C'est à peu près ça le titre de la causerie. Et puis voilà, parce que j'avais pris plein de notes, mais j'ai oublié. Bon, si j'ai oublié quelque chose ou si je me suis trompé, tu me reprends et je te laisse la parole. Bien, merci Philippe. Donc simplement pour rappeler qu'au niveau de la Réfraction, le dernier numéro qu'on vient de sortir, justement, ça s'appelle « Les habits neufs du fascisme », c'est un petit clin d'œil aussi au livre de Simon Leys, par exemple, de la Chine, « Les habits neufs du président Mao », et c'est un peu pareil, là, « Les habits neufs du fascisme », pour montrer qu'en fait, il y a un habillage, mais que la réalité, elle est bien là. Et donc, ça vient de sortir. Et donc, vu l'actualité, effectivement, bon, on voit déjà ce qui se passe avec Trump aux États-Unis depuis un an. Mais en France aussi, la situation n'est pas très brillante non plus. Et ce que raconte dans le bouquin, la revue peut intéresser les gens sur la situation actuelle. Parce qu'on essaie de faire un panorama. En même temps, on est allé voir ce qui se passe en France, mais également dans le reste de l'Europe, plus les États-Unis. Donc, ça s'appelle « Les habitants du fascisme », comme l'a dit Philippe. Donc, que ce soit donc Réfraction, que ce soit le procès Papon, si ceux que ça peut intéresser, le prix de vente est de 10 euros. Voilà. Donc, je viens vous parler effectivement de Papon, donc Maurice Papon, effectivement, on peut dire une carrière française, hein, donc c'est le symbole de cette élite technico-bureaucratique persuadée de son immunité au nom de la raison d'État. Parce que le procès Papon, donc. Philippe l'a juste indiqué, il a commencé en octobre 1997, jusqu'en avril 1998, a duré 6 mois, un très très long procès, et en fait, l'instruction commence en 81. Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle, hein, et donc le canard enchaîné sur sa une, le 6 mai 81, quand un ministre du Giscard déportait les Juifs. Maurice Papon, aide de camp. Jeu de mots, aide de camp. Effectivement, Maurice Papon, j'essaie de comprendre pourquoi, donc on est en 81, hein, et donc le procès a eu lieu en 97. Donc 16 ans d'instruction. Particulièrement, Maurice Papon s'estimait intouchable. ne pensait pas qu'il serait jugé. Et pour comprendre justement pourquoi ce procès d'abord a mis si longtemps à venir et pourquoi il a duré si longtemps, eh bien il faut comprendre la carrière de Maurice Papon. Quel est le personnage de Maurice Papon, quel est son cursus et ce qui explique pourquoi ça a mis tant de temps. Donc parce que 81, il y a donc Maurice Papon à Decaen, effectivement ce sont donc des documents qui sortent, qui montrent que Maurice Papon à l'époque était secrétaire général de la préfecture de Gironde à Bordeaux, et qui pendant la Seconde Guerre mondiale, donc sous Vichy, était la principale préfecture de zone occupée, puisque la zone occupée à l'époque, il y avait le régime de Vichy, il y avait Paris, et toute la côte, depuis Dunkerque jusqu'à Hendaye, qui était sous domination allemande. Et donc, Bordeaux était la préfecture la plus importante de zone occupée. Il y avait également le port de Bacalan. Il y a un port avec des sous-marins, ces fameux sous-marins U-boat, qui allaient ensuite effectivement détruire les navires alliés qui ravitaillaient l'Angleterre. Parce que je le rappelle, n'oubliez pas qu'en 1940, il n'y avait plus qu'un pays en Europe qui résistait à Hitler, c'était donc l'Angleterre. Donc, Maurice Papon était à l'époque secrétaire général de la préfecture de Bordeaux, responsable du service des questions juives, et c'est pour ça qu'il y a eu le procès, parce qu'en tant que responsable du service des questions juives, c'est lui qui a envoyé à l'époque exactement 1690 juifs à la mort, en les fichant, en les arrêtant, en les déportant, d'abord à Drancy, et de Drancy à Auschwitz, où quasiment aucun n'est revenu. Donc sur ces 1690 juifs, dans le cadre de 10 convois, c'est la raison du procès. Mais avant qu'il y ait ce procès, effectivement, il va se battre, Maurice Papon, parce qu'il va s'y mettre d'abord en disant, comme je disais, bon, moi je suis technicien, hein, si un responsable, c'est le régime de Vichy, moi je ne faisais qu'exécuter les ordres. Et en plus, à l'époque, donc, pourquoi on disait Giscard, ministre de Giscard, parce qu'il était ministre du budget. Maurice Papon était ministre du budget dans le gouvernement de Raymond Barre, et il y allait y avoir les élections, donc... Et en 81, c'était un peu le pendant de 74. Hein, 74, même candidat, Giscard, Mitterrand. Mais en 74, c'est Giscard qui est passé. En 81, c'est Mitterrand. Mais à l'époque, les pronostics n'étaient pas très évidents, puisque ça s'est joué à 52-48. Et donc, le fait d'avoir fait cette une sur Maurice Papon, c'était un moyen de déstabiliser un petit peu aussi la droite par rapport à ça. Parce que Maurice Papon, si jamais Giscard l'avait emporté, faisait partie des premiers ministres possibles. Donc là, pour dire la carrière de Maurice Papon. Donc, pour comprendre pourquoi l'instruction va durer 16 ans, il va se battre tout le long pour empêcher le procès, il faut comprendre sa carrière. Donc, Maurice Papon, il est né en 1910, hein, et il devient, il fait Sciences Po, Fac de Lettres, etc., donc c'est un étudiant assez brillant. Et en 1936, il va intégrer le cabinet de Front Populaire de François Tessan, qui est l'adjoint direct de Léon Blum en temps à la présidence du Conseil. Donc il a commencé sa carrière avec la gauche, donc Front Populaire, puisqu'en même temps, il était avant étudiant à la LORS, la Ligue Autonome Universitaire Socialiste, et il avait comme condisciple Léopold Sédar Senghor, Pierre Mendès France et un certain Georges Pompidou. Donc vous voyez déjà un petit peu comment ça se présente pour Maurice Papon. Donc il est attaché au conseil de la présidence du conseil de Léon Blum par François de Tessan, carrière donc Front Populaire jusqu'en 39. En 39, eh bien c'est la guerre, comme vous le savez. Il va être mobilisé, mais il va partir au Liban. Vous savez qu'à l'époque le Liban était sous mandat français, mais bon, il va se rapatrier en disant qu'il a des problèmes de santé, et donc il ne fera pas la guerre, etc. Il revient, et va intégrer directement à ce moment-là le ministère de l'Intérieur. Il va donc passer directement du Front Populaire au régime de Vichy, puisque vous savez que le 10 juillet 1940, eh bien, la chambre sortant du Front Populaire va donner les pleins pouvoirs à Pétain, à part ce qu'on appelle les 80 qui vont s'opposer, mais la grande majorité vote les pleins pouvoirs à Pétain, et donc Maurice Papon va devenir fonctionnaire du régime de Vichy, qui est un régime d'exclusion. Hein, Vichy, comme on dit, régime, c'est le co-auteur à la fois de l'exclusion de ce qui se passe, à la fois les étrangers, les juifs, les francs-maçons, les communistes, et un temps complice de l'extermination, puisqu'il a donc prêté main forte au régime nazi pour faire en sorte que tous les juifs français qui se font arrêter vont partir dans les camps en suivant donc la législation nazie qui était appliquée en France également à ce moment-là. Donc, il va devenir secrétaire, d'abord en 1940, il intègre le ministère de l'Intérieur, il est secrétaire d'un certain Maurice Sabatier, qui est le responsable de la branche de la supervision de toutes les communes de France. Et lorsque ce Maurice Sabatier va être nommé préfet à Bordeaux en 1942, Maurice Papon va le suivre. Maurice Papon va le suivre et devenir secrétaire général de la préfecture de Bordeaux, chargé plus spécialement du service des questions juives. Et entre 42, juillet 42 et mai 44, ce sont donc 10 convois qui vont partir de Bordeaux, Bordeaux-Drancy, Drancy-Auschwitz, sous la houlette, donc la responsabilité de Maurice Papon. 1944, donc on arrive vers 1944, donc mai 44, c'est les derniers convois qui partent, et août 44, eh bien vous savez, la France est libérée, et il y a donc un changement de régime avec le général de Gaulle, et Maurice Papon va passer directement de directeur, de secrétaire général de la préfecture de Bordeaux vichiste à directeur de cabinet du nouveau commissaire de la République, Gaston Cousin, qui prend en main la préfecture de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que Maurice Papon, il a su, fin 43, début 44, donner quelques gages à la résistance, en aidant notamment certains aviateurs anglais qui ont été parachutés par là, et donc il a rendu quelques gages à la résistance. Et surtout, le problème, c'est qu'à Bordeaux, la résistance avait explosé. La résistance à Bordeaux, avec un certain Grand Clément, eh bien, avait été retournée par la Gestapo de l'époque. Et donc, la résistance était vraiment en charpie complètement. Il n'y avait plus de tête dirigeante. Et lorsque Gaston Cousin, envoyé par De Gaulle là-bas, eh bien, par ses collègues, bien, mais si, il y a Maurice Papon qui a rendu quelques gages. Et Maurice Papon, sentant le vent tourner, va se mettre au service directement de Cousin avec toute la police qu'il entraîne avec lui. Et donc toute l'administration va basculer d'un seul coup de Vichy au général de Gaulle. Et donc Maurice Papon va se retrouver sans transition, passer du service de Vichy au service du général de Gaulle. Parce qu'en 1944, il y a tellement eu peu de gens qui ont résisté que pour pouvoir redémarrer l'administration, eh bien, on l'a pris avec ceux qui étaient les moins compromis à l'époque. Par rapport à la résistance, la question juive était secondaire en août 1944, parce que les juifs étaient encore tous dans les camps. Hein, les premiers camps, les camps d'extermination, Auschwitz, Bergen-Belsen, etc., seront livrés, délivrés en janvier 1945. Donc, en août 1944, la question ne se posait pas pour la résistance. Papon était connu par rapport aux questions juives, peut-être par rapport à la résistance. Donc, il a fait carrière avec le général de Gaulle en 1944. Il va donc continuer. Et en 1946, la 4e République se met en place, eh bien, il va se mettre au service justement des socialistes, un certain Félix Gouin, qui est président du Conseil, et il va donc passer socialiste, Vichy, De Gaulle, à nous les socialistes, qui vont le nommer préfet de Constantine en 1948. Il va ensuite partir à nouveau au ministère de l'Intérieur, où il va être secrétaire général de la police à Paris. En 1956, il va repartir en Algérie, en sachant qu'en 1956, c'est un certain Guy Mollet qui est président du Conseil, le fameux Front Républicain. Et alors que c'est en 1956-1957 qu'il va y avoir la bataille d'Alger, la torture, etc. Et tout. Donc la gauche qui se compromet à ce niveau-là, c'est un certain François Mitterrand qui est un ministre de la Justice. Et donc Maurice Papon est IGAM, c'est-à-dire il est inspecteur général en mission extraordinaire à Constantine. Et c'est lui qui va déjà mettre en place qu'on appelle la paponie, c'est-à-dire la façon de mettre en place tous les camps de redressement et les camps de transit, où on va parquer tous les félagas ou assimilés pour pouvoir faire le fameux plan qui a permis ensuite la contre-insurrection en Algérie. Et donc c'est lui qui est en charge de tout ça. Et en même temps, il devient tellement important par rapport à ça qu'en 1957, lorsque la France est accusée, à juste titre, d'avoir toujours cette colonie algérienne et qu'il y a donc un mouvement d'émancipation et que ça passe à l'ONU, qui va défendre la position française à l'ONU en 1957, c'est Maurice Papon. C'est Maurice Papon. Et en 1958, lorsque la quatrième finissante, il y a un mouvement de sédition, l'Algérie, on sait que ça va bouger beaucoup à ce moment-là, et donc un mouvement important de sédition déjà de la police, en mars 1958, la police menace de marcher sur l'Assemblée nationale, et bien on va faire appel à Maurice Papon, et Maurice Papon va passer de inspecteur général à ministre extraordinaire à Constantine, à préfet de police. Il va devenir préfet de police sous la 4ème République, donc sous la gauche. De Gaulle revient au pouvoir en mai 1958 et il maintient Maurice Papon parce qu'il se rappelle que Maurice Papon l'avait aidé en 1945 et Maurice Papon va donc rester préfet de police en France pendant 9 ans, 1958-1967. C'est sous Maurice Papon que va y avoir lieu, on y reviendra après la deuxième partie, le massacre des Algériens le 17 octobre 1961, qui aura le massacre de Charonne le 8 février 1962, pour lequel il est entièrement couvert. Entièrement couvert. Hein. Aucun problème, il est même félicité à la fois par son ministre, Roger Frey, par le Premier ministre, donc Michel Debré, et par le Président de la République, qui n'est autre que le général de Gaulle. Et en fait, il va tomber, si on peut dire, en 1967, pour une affaire pour laquelle il n'est pas directement responsable, mais ça se passe à Paris, c'est l'affaire de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Mehdi Ben Barka va être enlevé en plein Paris fin 1965. En fait, c'est les services secrets français et les services secrets marocains avec le général Oufkir et un certain Glimi qui ont fait le coup. Mais comme ça fait un scandale en 1966, et donc il faut bien qu'il capte les portes de chapeau, comme Maurice Papon est le préfet de police, eh bien, il va donc porter le chapeau et par conséquent, il va arrêter ses fonctions de préfet de police, mais il va être tout de suite reconverti. Il va devenir en 1967 PDG, parce qu'à l'époque il y a beaucoup d'entreprises nationalisées, PDG de Sud Aviation. PDG de Sud Aviation, et c'est lui qui sera présent lors de l'inauguration du premier vol du Concorde entre Paris et New York. Arrive 68, et qui est Premier ministre en 68, après les années en mai 68, c'est un certain Georges Pompidou. Georges Pompidou, qui avait été son condisciple à l'époque, lui dit, mais maintenant que tu es à nouveau en place, il faut que tu fasses une carrière politique et il lui propose de devenir député. À l'époque, il était dans le Cher à Saint-Amand, Saint-Amand-Montrond, et donc il devient député. Il va devenir ensuite, après député, il va devenir président de la commission des lois, président ensuite de la commission des finances, rapporteur, et ensuite devenir ministre. Et par conséquent, quand en 1974, Chirac va donc s'imposer comme candidat de gaulliste à la place de Chaban-Delmas, qui pense bien avoir la place, et donc il trahit Chaban-Delmas pour rallier Giscard d'Estaing, mais Maurice Papon fait pareil, il suit Chirac et va donc devenir ministre de Giscard. Donc vous voyez son itinéraire, il a servi tous les régimes, il a des amitiés partout, et c'est pour ça qu'en 81, lorsque l'affaire éclate, effectivement, il est persuadé qu'il va pouvoir s'en sortir encore. Donc ça va durer 16 ans. Ça va durer 16 ans. Je passe toutes les choses trappes qu'il y a pu y avoir. Et finalement, au bout de 16 années, à un moment donné, il a tellement estimé que ce n'est pas lui qui était responsable que les victimes qui avaient été constituées du parti civil, eh bien, les portaient plainte contre elles en estimant qu'ils les diffamaient. Et elles sont restées pendant 10 ans sous le coup d'une possible inculpation de diffamation. Bien sûr, ce n'est pas allé plus loin, puisqu'en fait, malgré les problèmes qu'il a pu créer, la Cour de cassation, en 1996, va rendre une décision de renvoi dans la Cour d'assises de Bordeaux, en estimant que Maurice Papon, pour ces fameux 10 convois dont je vous ai parlé, eh bien complice de crimes contre l'humanité, et en même temps, il est complice d'assassinat, c'est-à-dire d'avoir envoyé les Juifs à la mort, parce qu'il ne pouvait pas ne pas savoir la solution finale. Donc c'est sur cette base-là qu'il est renvoyé devant les assises de Bordeaux, procès octobre 1997, avril 1998. Le procès va durer 6 mois. Il va se battre pour empêcher sa condamnation et va faire feu de tout bois. Et je peux vous dire qu'en tant qu'avocat, jamais je n'ai vu un procès où les droits de la défense ont été aussi respectés qu'à l'égard du procès Papon, qui était présumé innocent, Et donc, il était libre. Il s'est présenté libre à l'audience. Il s'est présenté libre à l'audience. Et lorsque, à l'époque, le code pénal prévoyait que lorsqu'on passait en cour d'assises, eh bien, on n'était qu'un mis en prison la veille de l'audience, était mis en prison un jour, et dès le lendemain, ses avocats ont fait demande de mise en liberté. Et au nom de la présomption d'innocence et sur la base de la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme, eh bien, Maurice Papon a été remis en liberté. Parce que, soi-disant, il avait quand même de problèmes de santé, alors qu'il avait été expertisé, l'expert avait dit qu'effectivement, il avait quand même 87 ans à l'époque, hein, 87 ans, puisqu'il est mort 10 ans après, il est mort à 97 ans, mais il avait 87 ans, eh bien, il avait des problèmes de santé, mais il pouvait quand même suivre le procès, et qu'en même temps, il pouvait très bien être aux arrêts, tenir les hôpitaux, il y a des possibilités d'avoir dans l'hôpital un hôpital prison, et donc pas qu'il reste vraiment en liberté, mais il était remis en liberté complètement, et il a fêté sa libération au Champagne, deux jours après, à l'hôtel de Chaillant, pour montrer que ses problèmes de santé n'étaient pas aussi importants que ce qu'on pensait. Choisi qu'il s'est battu pendant 6 mois, pied à pied, en fonction de chacun de ses convois, et il faut reconnaître qu'il a su quand même manœuvrer par rapport à ça, parce que je passe les détails, mais pendant 6 mois, il y a eu des coups de théâtre importants avec des changements parfois de position, avec surtout le problème, c'est qu'on est dans le cadre d'un procès d'assises. Donc on reproche à Papon, somme de choses, complicité du crime contre l'humanité. Et quand on est poursuivi dans un tribunal, une cour d'assises, on peut faire citer des témoins des faits, et aussi des témoins de moralité. Témoins des faits, Maurice Papon, pour lui, il n'y en avait pas. Par contre, des témoins de moralité, il y en avait plein. Il a fait citer 30 témoins de moralité. Alors que dans un procès en général, quand on va en faire citer 2 ou 3, c'est un maximum, des premiers ministres, des résistants, tous sont venus raconter que Maurice Papon était un homme au-dessus de tout soupçon. Et que par conséquent, il n'a fait que son devoir, et en plus, il a rendu quelques services à la résistance, et que par conséquent, on ne voyait pas pourquoi il pouvait être poursuivi. Et heureusement, dans le cadre de ce procès, il y a eu quand même d'autres témoins qui ont été produits par les parties civiles, notamment, et ça sera le lien avec la deuxième partie de mes explications, Jean-Luc Hénaudy, qui a écrit un super bouquin sur la bataille de Paris, c'est-à-dire sur le 17 octobre 61, et qui est venu raconter à la cour d'assises de Bordeaux l'autre visage de Maurice Papon, c'est-à-dire Maurice Papon également, au moment de la guerre d'Algérie. Et donc, il a fait un témoignage assez extraordinaire, pendant 3 heures, pour montrer qui était également Maurice Papon. Et donc, ça a retourné la situation pour Maurice Papon, et on viendra après, puisque Maurice Papon, bien sûr, n'a pas digéré ce qu'avait dit, et il ne pouvait rien dire, et il dit, parlait sous main de justice en tant que témoin, il pouvait dire ce qu'il voulait, Papon ne pouvait rien dire. Et donc, à l'arrivée de 1998, Maurice Papon va être reconnu coupable, effectivement, de complicité pour crime contre l'humanité, mais, soi-disant, eh bien, le jury, parce que vous savez, le jury, ça comprend 3 juges professionnels, 9 jurés, populaires, eh bien, le jury a estimé qu'il n'avait pas connaissance suffisante de la solution finale, et par conséquent, la complicité d'assassinat n'a pas été retenue, et c'est pour ça qu'il a été condamné qu'à 10 ans de réclusion. 10 ans. Alors qu'il risquait perpétuité, effectivement, comme Barbie et comme tout vieux auparavant, pour ce qui s'était passé, et la connaissance, en réalité, de la solution finale. Parce que le problème, c'est que Maurice Papon, ayant voulu jouer sur tous les tableaux, il a donc essayé de dire qu'il était résistant, c'est pour ça qu'il a fait citer un son de résistance, etc. Et il a même dit à l'audience, mais j'écoutais Radio Londres depuis le début. Alors justement, s'il écoutait Radio Londres depuis le début, fin 42 déjà, sur les émissions de Radio Londres, eh bien, il y avait des informations, ça s'appelait le télégramme Riener, R-I-E-G-N-E-R, terme Riener, qui racontait comment, par les émissaires qu'ils avaient en Pologne, justement, ils avaient eu connaissance de la mise en place de la solution finale, puisque la conférence de Wannsee, en janvier 42, c'est la conférence hitlérienne qui a mis en place la solution finale, et donc tous ces camps d'extermination en Pologne, ben, fin 42 déjà, fin 42, on le savait, pour ceux qui voulaient le savoir, et c'était diffusé sur Radio Londres. Par conséquent, s'il écoutait Radio Londres, il pouvait ne pas savoir la solution finale. Toujours est-il que Maurice Papon quand même s'en sort, 10 ans de réclusion. Et comme je vous le disais, il était libre. Donc, on a matière pénale. Il fait un pouvoir en cassation. Il fait un pouvoir en cassation. Et par conséquent, le pouvoir en cassation est suspensif. Donc, il reste libre, il rentre chez lui. Il rentre chez lui et il attend l'arrêt de cour. Il attend la cassation. Un an et demi après, effectivement, la Cour de cassation va le convoquer pour passer devant elle, puisque il faut savoir que lorsqu'on passe dans un tribunal ou cour d'assises, on est jugé sur les faits. Et lorsqu'on veut faire appel, et on fait appel à la fois sur les faits et sur le droit. Lorsqu'on va dans la Cour de cassation, la Cour de cassation, elle, c'est une dernière instance qui ne se traduit que sur le droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas rejuger à nouveau la personne, on va voir si les moyens de droit qui ont été utilisés pour le condamner sont réguliers ou s'il y a eu des manquements par rapport à ça. Or, il savait très bien que, évidemment, la Cour d'assises de Bordeaux, connaissant le personnage, avait tout ce qu'il fallait, justement, pour faire en sorte que, par rapport au droit existant, eh bien, on respecte tout ce qui s'était passé. Donc, il savait très bien que la Cour de cassation risquait fort de rejeter son pourvoi. Que fait Maurice Papon ? La veille, comme je vous l'expliquais, la veille de l'audience, comme à la Cour d'assises, il aurait dû se constituer par prisonnier. Il est parti. Il a quitté la France. Il est parti en Suisse. Il est parti en Suisse avec le passeport d'un résistant, ça de La Rochefoucauld, qui lui a fait son passeport pour qu'il puisse passer incognito en Suisse. Il est passé par Chamonix-Valorcine, il s'est retrouvé à Gstaad, la fameuse station de sport d'hiver, très huppée, etc. Et c'est là qu'il s'est fait rattraper. Il a dit, mais je vais en Suisse parce que, je veux dire, il anticipait déjà, on parle par le coup de cassation, en disant, parce que j'avais rendez-vous avec un avocat à Gstaad pour préparer un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que j'estime que je n'ai pas été jugé sereinement. Il est donc rapatrié en France, et comme il ne s'est pas présenté à l'audience, la Cour de cassation l'a donc déchu de son pourvoi et le met en prison. Il est mis en prison, donc on est en 99, un an après, il est mis en prison à la maison d'arrêt, à la santé, le quartier, on appelait déjà à l'époque quartier VIP, hein, c'est-à-dire que vous savez très bien, on a parlé suffisamment maintenant, la situation des prisons françaises, c'est absolument scandaleux, hein, il y a un taux de suroccupation de plus en plus incroyable, et très souvent ils sont à deux voire à trois par cellule. Là, Maurice Papon, évidemment, lui, il a sa propre cellule, tranquille, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et Maurice Papon, donc, condamné normalement à 10 ans, il faut savoir, mais ça c'est une règle générale, lorsqu'on est condamné en France à une peine de prison, quelle qu'elle soit, et qu'on n'a jamais été condamné au préalable, eh bien, à moitié peine, on peut demander sa libération conditionnelle. Mais il ne va même pas attendre les 5 ans, parce qu'en 2001, eh bien, il y a une nouvelle loi qui va sortir, c'est la loi Kouchner, du nom du ministre de la Santé, qui va estimer, en soi à juste titre, que pour les prisonniers en fin de peine ou bien qui ont une maladie incurable, ils vont pouvoir, après avoir été quand même visés par un expert, pouvoir sortir mourir chez eux, si on peut dire, parce qu'ils sont en fin de peine, ou ils ont déjà fait... Donc, c'est une loi de bienveillance humaine pour les gens qui sont en fin de peine ou qui malheureusement vont mourir d'un certain cancer ou de maladie. En phase terminale, pour pas qu'il meure en prison et qu'il puisse rentrer chez eux à ce niveau-là. Maurice Papon va s'emparer de cette loi Kouchner. Et il va donc être expertisé. Et alors là, on voit bien que les experts aussi, il y a de tout chez les experts. L'expert en question va déterminer chez Maurice Papon, il a quand même 90 ans, hein, mais je peux vous le dire, on l'a vu à l'audience, il se portait bien, il avait le regard acéré, la parole fine, et c'est ce qu'il racontait. Eh bien, l'expert va estimer que Maurice Papon est en état de grabatérisation avancée. Par conséquent, étant en état de grabatérisation avancée, effectivement, il est donc remis en liberté. Et si vous êtes en état de grabatérisation avancée, effectivement, c'est l'ambulance qui vient. Et Maurice Papon va sortir de la prison de la santé sur ses deux jambes, c'est tranquillement, etc. Donc, apparemment, cet expert a dû avoir une complaisance plus que complaisance envers Maurice Papon. Toujours est-il qu'il aura donc purgé en tout et pour tout 2 ans de prison. Mais ça ne s'arrête pas là. il purge ses 2 ans de prison, mais il va faire un procès à l'État en disant « mais j'étais fonctionnaire ». Par conséquent, j'ai été condamné parce qu'il fait en même temps qu'il y a une condamnation pénale, 10 ans de réclusion, condamnation civile, c'est-à-dire la situation de victime, où les enfants des victimes s'étaient constitués partie civile, et avaient réclamé effectivement des dommages et intérêts. Encore ces dommages et intérêts relativement minimes, surtout la prise en charge des frais de justice. La procédure a duré 16 ans, donc ça coûtait très cher. Et donc Maurice Papon avait été condamné en tout, je mets ça en euros actuels, à 800 000 euros. 800 000 euros, avec les revenus qu'il avait, c'était pas si important que ça pour lui à payer. Mais toujours est-il qu'il a dit, moi j'étais fonctionnaire. Par conséquent, c'est l'État qui est responsable. Il va donc saisir le Conseil d'État pour demander à ce soit l'État qui se substitue à lui pour payer les 800 000 euros. Et le Conseil d'État va estimer, comme souvent le Conseil d'État, mi-chèvre, mi-chou, que Maurice Papon, effectivement, était fonctionnaire d'État, puisque Vichy, c'était quand même l'État français, mais qu'en même temps, il y a quand même une faute personnelle de sa part pour avoir envoyé les Juifs à la mort, quand même. Ce côté-là, c'est quand même un crime contre l'humanité. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, 50-50. Par conséquent, Maurice Papon a échappé à 400 000 euros de règlement. C'est donc l'État français, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables, qui ont donc payé les 400 000 euros en question aux victimes. Donc Maurice Papon, comme je vous dis, a continué jusqu'au bout à se battre par rapport à ça, et il a donc saisi également la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne qui a, effectivement, qui a estimé qu'à l'époque, il n'aurait pas dû, justement, lorsqu'il était dans la Cour de cassation, il n'aurait pas dû être déchu directement de son pouvoir, il aurait dû s'expliquer. Donc la Cour européenne, en 2002, va casser l'arrêt de la Cour de cassation, et va donc être, mais comme on a appelé ça un arrêt sans renvoi, c'est-à-dire que la Cour de cassation avait au préalable quand même examiné tous les moyens que Maurice Papon avait mis en place, et donc c'était nul et non avenu, mais pour dire qu'il est allé jusqu'au bout pour se battre par rapport à ça. Alors avant d'en finir avec sa vie, l'autre épisode, justement je vous parlais tout à l'heure, c'était le fait que donc Jean-Luc Einaudi avait donc expliqué qui était Maurice Papon par rapport au 17 octobre 61. Après le procès, ça crée un tel tumulte en même temps, parce qu'il a été condamné, mais c'était mi-chèvre, mi-chou. Donc Jean-Luc Einaudi a fait un article qu'il a produit dans Le Monde, à l'époque, en disant « Je persiste ces signes, c'est bien Maurice Papon qui est responsable du massacre des Algériens le 17 octobre 61. » Maurice Papon lui fait un procès en diffamation. Il fait un procès en diffamation qui va se traiter à Paris en septembre 1998, auquel j'ai assisté également. Et quelle va être la défense de Maurice Papon? Il va dire, de toute façon, c'est la guerre d'Algérie. Par conséquent, amnistie, loi d'amnistie, on ne peut pas produire d'éléments par rapport à ça. Et donc, il estimait qu'au niveau de la... Quand on les poursuit pour diffamation, il faut faire ce qu'on appelle l'offre en preuve. C'est-à-dire, il faut prouver ce qu'on avance. Mais là, Einaudi, effectivement, il avait écrit son bouquin sur la base de témoignages des gens qui étaient rescapés du massacre en question. Il n'avait plus qu'à avoir accès à ce nombre d'archives personnelles et il avait fait des décomptes par rapport à ça. Il avait à peu près entre 150 et 200 morts, alors qu'il n'y avait que 3 officiellement qui avaient été acceptés à l'époque par rapport à Maurice Papon. Et donc, on se disait, de toute façon, en plus, comme il y a la loi d'amnistie, par conséquent, il ne peut pas avoir accès au dossier. Et c'est là que on va apparaître, quand même, au niveau des citoyens, l'importance des archivistes. Déjà, au cadre du procès de Bordeaux, l'affaire était sortie grâce à un archiviste, Jean Cavaignac, ce qui est pareil. Maurice Papon, ça se passe en 81. Vichy, c'était en 40. Il va encore... la loi des archives, c'était 50 ans à l'époque pour pouvoir sortir les affaires du dossier. Or, en 81, ça faisait moins de 50 ans, pour ça que Maurice Papon disait « je suis tranquille ». Et en fait, c'était déjà l'archiviste de l'époque, Jean Cavaignac, qui a estimé, lorsqu'il était contacté par une des victimes, Michel Setinski, qui recherchait un petit peu qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, il a estimé que dans le cadre des dossiers dont il a la responsabilité, que les dossiers du service des questions juives, c'était un service administratif, ben il a estimé que ce service des questions juives dans des lieux administratifs, c'était la prescription de droit commun de l'époque, donc 30 ans, et par conséquent, il a pu donner un certain nombre de documents à M. Zetinski, et c'est ces documents-là qui vont être repris par le canard enchaîné et sortir l'affaire. Et ensuite, dans le cadre du procès, le juge, justement, va saisir toutes ces archives et va les faire produire au procès. Et donc, le procès a pu quand même se tenir parce que grâce à un archiviste qui, déjà, avait passé son éthique de conviction avant son éthique de fonctionnement, il avait estimé que certains documents pouvaient échapper à la prescription. Et c'est la même chose qui va se passer pour Papon par rapport à Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donc faire citer deux archivistes de la mairie de Paris qui sont en charge des dossiers judiciaires. Il y en a un, ils sont deux, Philippe Grand et Brigitte Aînée. Philippe Grand va faire un témoignage écrit, Brigitte Aînée va venir à l'audience. Et comme c'est sous même justice, elle va dire, mais moi, dans le cadre de mes archives, j'ai vu les archives judiciaires et j'ai vu un certain nombre de dossiers, elle cite 130 dossiers où, effectivement, le procureur indique que des gens ont été, effectivement, des Algériens, ont été retrouvés noyés dans la Seine, mais avec les mains dans le dos tenues par les cravates bleues des policiers dans la Seine, et donc, et il est marqué dessus, mais en cas de poursuite, amnistie. Mais il y a bien 130 personnes. Donc, sur la base du témoignage de Brigitte Aînée, ce qu'avait dit Jean-Luc Einaudi a donc été corroboré par ce témoignage d'une archiviste, et donc, il a été relaxé, et Maurice Papon n'a pas fait appel. Et là, c'est important de voir quand même les risques que peuvent avoir les gens, parce que ce qui est aussi intéressant, dans un certain sens, c'est que, effectivement, la défense de Maurice Papon n'a pas accepté, évidemment, et donc a dénoncé le comportement de Brigitte Aînée auprès de sa hiérarchie. Et le problème, c'est que sa hiérarchie va estimer, effectivement, qu'elle aurait dû appliquer son devoir de réserve. Elle va être mise dans un placard pendant 6 ans. Et le paradoxe, c'est que si au départ, elle dépend de la mairie de Paris au niveau en tant que fonctionnaire. Donc c'est la mairie de Paris qui est responsable direct. Donc son directeur qui la met dans le placard, à l'époque le maire de Bordeaux, de Paris, c'est un certain Jean Tibéry. Bon, on dit qu'il a fait aussi voter les morts dans le cadre du 5e arrondissement parce qu'il était élu sans arrêt. Après, il y a eu son fils, donc Jean Tibéry. Mais en 2001, qui devient maire de Paris ? Un certain Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë, socialiste, membre à l'époque également de la Ligue des droits de l'homme. Eh bien, que fait Bertrand Delanoë ? Et il ne fait rien. Il maintient Brigitte Aînée dans son placard. Et même au sein de la Ligue des droits de l'homme, dont je fais partie par ailleurs, il y a eu un conflit à l'intérieur de la Ligue des droits de l'homme par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que certains, notamment la présidente de l'époque, Madame de Rubériou, qui était une historienne très patentée, estimait que c'était normal, en guillemets, que Jean-Luc Einaudi n'ait pas pu avoir accès aux archives, ce qu'il travaillait, etc., parce que ce n'était pas un universitaire. Il n'y a pas le diplôme pour ça. Ça veut dire qu'on peut très bien ne pas avoir le diplôme universitaire, mais être un chercheur de qualité, selon les documents qu'on peut retrouver, etc. Et par contre, il y a eu un débat au sein de la Ligue des droits de l'homme, et donc vous avez un François Nadiras, qui était donc membre de la Ligue des droits de l'homme de Toulon, pas loin d'ici, a fait passer une pétition que j'ai signée moi, à l'époque pour dénoncer cette façon de procéder. Et lorsque Brigitte Aînée donc, a été mise au placard, eh bien, il y a eu quand même une pétition en sa faveur, mais cette pétition a été signée beaucoup plus par des chercheurs étrangers qui reconnaissaient ce qu'était comme archiviste que par les chercheurs français, etc. Donc montrer qu'il y en a, la veulerie, hein, elle continue aussi de ce côté-là, et même des gens de gauche, même au sein de la Ligue des droits de l'homme et de Bertrand Delanoë, eh bien, eux-mêmes ont un certain type de comportement de pouvoir qu'on voit que ce côté-là, ce n'est pas réservé non plus à la droite, etc. Donc, c'était important de rappeler comment ça s'est passé. Et la suite de cela, donc Brigitte Aînée, au bout de 6 ans, enfin, a pu sortir de son placard, mais elle a reconstruit sa carrière, mais sans plus. Et qui c'est qui va lui rendre hommage ? De même que, en 1997, quand le procès Papon va commencer, à Bordeaux, il y a l'École nationale de la magistrature. Chaque année, on nomme un parrain de la promotion. En 1997, le parrain de la promotion, c'est un certain Paul Didier. Ça ne vous dit rien. Paul Didier, c'est le seul magistrat qui a refusé, en 1940, de prêter serment à Pétain. Le seul, un sur 3000. Les autres ont accepté, ils ont passé sans état d'âme du service de la République au service de Vichy. Eh bien, en 2020, ce sont les élèves archivistes qui vont donner le nom de Brigitte Lainé à leur promotion pour rappeler ce qu'elle a fait par rapport à ça. Donc, il y a quand même ce côté de cette éthique qui a pu exister et continuer. Donc, voilà un petit peu le panorama pour vous expliquer un petit peu ce qu'était un peu l'affaire Maurice Papon. Et avant de vous donner la parole, je voudrais juste terminer pour vous lire un petit extrait que j'avais fait sur ce qu'on appelle la politique du moindre mal. À son poste, Maurice Papon a toujours eu le sentiment de ne faire que son devoir. Et jusqu'au bout, il aura gardé la conscience du devoir accompli. Il a obéi aux ordres et fait en sorte d'accomplir le moindre mal que les circonstances. La philosophe Hannah Arendt a lumineusement démonté ses arguments de l'obéissance et du moindre mal. Je la cite. « La technique qui consiste à faire accepter des maux moindres sert de manière délibérée à préparer par un conditionnement les hauts responsables de l'État ainsi que l'ensemble de la population à accepter le mal en tant que tel. Nous ne citerons qu'un seul exemple parmi d'autres. L'extermination des Juifs a été précédée d'une série graduée de mesures anti-juives dont chacune a été acceptée parce que le refus de coopérer n'eût fait qu'aggraver les choses jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un stade où rien qui fût plus grave encore ne risquait plus d'arriver. Quant à l'obéissance, seul un enfant obéit. Si un adulte obéit, il cautionne en fait l'instance, l'autorité ou la loi réclamant l'obéissance. Car sans ce soutien, sans cette obéissance, l'instance en question serait totalement démunie. Par conséquent, la question posée à ceux qui ont participé et obéi, ce n'est pas, dans le cas d'un régime d'exclusion, ce n'est pas « avez-vous obéi ?» mais « démissionner » serait été résister. Oui, quelles que soient les circonstances, tout individu doit conserver sa capacité de choix de dire non. Conformisme et servilité anéantissent la conscience. L'obéissance passive du fonctionnaire n'est pas de mise lorsque l'ordre donné est manifestement illégal, selon les propres termes du statut des fonctionnaires, et doit céder le pas au devoir d'alerte. Le fonctionnaire n'est pas fait pour avoir l'encéphalogramme plat, pour être un simple porteur de serviette ou un domestique. L'éthique de conviction doit primer sur l'éthique de fonctionnement. La condamnation de Maurice Papon a donc signé la fin de l'immunité pour cette élite technobureaucratique qui se pensait investie d'une mission, agir au nom de l'État, lui assurant par là même la jouissance du privilège régalien de l'irresponsabilité. Vu le type de régime national autoritaire et d'exclusion qui a sévi entre 1940 et 1944, la France de Vichy, le devoir de désobéissance aurait dû primer sur la raison d'État. Il faut le dire et le redire avec force, comme nous rappelle Jacques Fenimore dans son ouvrage « Le passé ordinaire », je le cite, « Aucun régime totalitaire ne peut venir et se maintenir au pouvoir sans une multitude de petites lâchetés, compromissions, ralliements, reniements, renoncements ou actes d'obéissance d'hommes et de femmes, comme vous et moi, du plus petit citoyen au plus haut fonctionnaire. Non, ce n'est pas parce qu'il y a eu Hitler et Pétain que nous avons eu des hommes comme Papon, mais parce qu'il y a eu des milliers d'hommes comme Papon que nous avons eu Hitler et Pétain. Merci. Bien, mais s'il y a des questions, des... Donc il est mort dans son lit, ce monsieur. Il est mort dans son lit. Alors, dernière anecdote, il est mort dans son lit donc en 2007, il a 97 ans. Et il faut savoir que lorsqu'il était donc à nouveau chez lui, il faut rappeler que lorsqu'on est condamné à une peine de 10 ans de réclusion, c'est une peine d'indemnité nationale. Donc il a perdu ses droits civils, civiques et de famille, et surtout ses décorations, puisqu'il avait été quand même, grand croix de la Légion d'honneur. Donc, supprimé. Eh bien, Maurice Papon, donc, lorsqu'il est revenu chez lui à Grains-Saint-Mévilliers, eh bien, une fois, il a arboré sa Légion d'honneur. Et il y a une photo d'un Paris Match, où il y a Maurice Papon, donc il a été poursuivi, et effectivement, il a été condamné à une amende, hein, pour port d'armes, pour port de décoration illégale, mais il tenait à sa, effectivement, à sa Légion d'honneur. Et lorsqu'il est mort, ben tenez-vous bien, son avocat de l'époque, pas le premier, Maurice Barrault est mort entre-temps, son deuxième avocat, Francis Guillemin, eh bien, a demandé à ce qu'il soit enterré avec la Légion d'honneur, ce qui avait été refusé en soi, mais il a subrepticement quand même fait en sorte que Maurice Papon ait sa Légion d'honneur lorsqu'il était enterré, et il s'en est expliqué en disant, mais de toute façon, ce qui était poursuivable, c'est le port public de la Légion d'honneur. Et là, ben, il est dans le cercueil, par conséquent, ça ne se voit plus. Voilà. Et donc, Maurice Papon a été enterré avec sa Légion d'honneur. Mais on ne voit pas rendre les médailles quand c'est ça? Mais... Ça se trouve d'occasion. Non, mais effectivement. Il avait dû les rendre. Mais bon, je suppose qu'il devait connaître le grand chancelier qui était un gaulliste à Montoire et qu'il avait pu récupérer sur le bout de 10 ans, voilà, et donc il avait arboré sa Légion d'honneur. Oui ? Oui, question au fond ? Oui, merci pour cette présentation. Le fait de parler de la reine, ça fait penser bien sûr au procès Richemont, mais oui. Ça peut nous renvoyer aussi bien plus loin avec le second procès de Nuremberg, avec les médecins. Oui. Et les médecins, tous ont dit que voilà, ils étaient pris dans la machine du nazisme, qu'ils étaient seulement poussés par leur administration. Et c'est ce qui a fait cette atrocité. Mais le procès Papon aussi, il est après plus proche de nous et surtout de certains manières de comprendre psychologiquement le rapport à l'autorité. Là, je pense à l'expérience de Durham. Désormais, avec le recul, comment le droit peut percevoir ce type de tendance et comment peut-il lutter pour enfin justice soit faite, parce qu'il y a encore des génocides par le monde qui sont encore produits. Mais de toute façon, il y a des poursuites. Hein. Je rappelle qu'actuellement, par rapport après le plus important génocide, après le génocide juif, avant c'était les Arméniens, hein, et après c'est le Rwanda, hein, avec 1,5 million de Tutsis, et donc il y a eu un TPI, un tribunal pénal international exprès pour le Rwanda, et il y a eu des poursuites et des condamnations. Et là, actuellement, c'est la même chose avec ce qui se passe à Gaza. Hein, et je rappelle qu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été délivrés. Le problème, c'est qu'ils ne sont toujours pas exécutés. Depuis le procès de Nuremberg, la défense est celle toujours, je suis juste un petit rouage de l'administration. Non, justement, ce qui a été déterminé, c'est que toute partie du rouage peut être poursuivie parce qu'il a participé à ce qu'appelle la fameuse chaîne qui va permettre de mettre en œuvre la machine. C'est au procès, justement, Maurice Druon, qui, en dehors de ça, avec son oncle Joseph Kessel, a été l'auteur du Chant des Partisans, avait été cité par Maurice Papon comme témoin, parce qu'il était un grand gaulliste, etc. Et tout, et donc il est venu témoigner que Papon était quelqu'un de bien. Mais on lui a dit, parce qu'il a dit, Maurice Papon disait, mais, comment dirais-je, le nazisme, enfin, le crime de l'humanité, c'est Auschwitz. Il dit non. Ce qu'il a dit, c'est, le crime de l'humanité, il commence, par quand je vous ai expliqué, le fichage, l'arrestation, la déportation, et celui qui déjà va aussi, alors il dit oui, celui qui est sur les quais et qui va pousser les juifs dans le wagon, à bestiaux, et qui va partir avec l'océan, etc., il a participé lui aussi. Bien sûr, chacun à son échelle. mais c'est cette chaîne complète qui va, tous ces maillons, celui qui précède et celui qui te précède, qui vont permettre que la machine se mette en marche. Et par conséquent, à ce niveau-là, eh bien, le droit a fait en sorte que tous les maillons de la chaîne peuvent être poursuivis parce qu'ils ont tous concouru à l'arrivée à ce qui est ce fameux génocide. Par conséquent, après, c'est en fonction, bien évidemment, du degré d'application de ce qu'ils ont fait, et donc les peines sont graduées. Mais c'est par cet enchaînement total, parce qu'effectivement, si au niveau... il ne faut pas oublier quand même que les nazis en France, ils étaient très peu. Hein, et la machine a pu fonctionner grâce à l'administration française. Hein. Par conséquent, donc, c'est tous les gens qui ont participé à cette machine qui, effectivement, se sont rendus complices à un moment donné. Alors, évidemment, on peut dire, à l'époque, nous, on parle maintenant, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile, etc., etc. Oui, mais il n'empêche que, à ce moment-là, je vous parlais de ce magistrat-là, donc Paul Didier, effectivement, il a dit non. Mais il n'est pas dans le camp pour autant. Hein. Il a été arrêté, effectivement. Il a été mis en résidence surveillée, mais ce n'est pas allé plus loin. Hein. Et il y a donc un certain nombre d'autres fonctionnaires qui ont résisté, et ce n'est pas pour autant qu'ils ont été poursuivis. Certains l'ont été, bien évidemment, mais pas tous. Ça dépend des circonstances. Et en même temps, on fait valoir un certain nombre d'actes. On peut aussi démissionner à un moment donné, pour ne pas se rendre complice de la machine. Parce que la machine, elle fonctionne grâce à ça, justement. S'il y a, on arrive à gripper la machine, là, à ce moment-là, et c'est là qu'on voit que, dans la fameuse résistance passive, hein, ou la désobéissance civile, c'est là qu'on peut voir comment ça peut parfois changer les choses. Évidemment, ce n'est pas facile, ça dépend, mais en tout cas, le droit a évolué par rapport à ça, et a reconnu que la complicité commençait déjà dès la mise en œuvre du système. Et c'est ça qui est important à montrer, parce que ce n'est pas qu'à l'arrivée, c'est tout ce qui a été mis en place qui fait que, et après, parce que le droit c'est quoi en Allemagne, c'est des lois qui ont été prises pour dire qui était juif, qui n'était pas juif. En France, pareil. Hein, Vichy a mis en place un système d'exclusion en disant que ben, pour être juif, ben, il faut avoir deux grands-parents ou le conjoint, etc. Donc il y avait des gradations. Hein, il y avait des gens qui étaient déclarés comme demi-juifs simplement parce qu'eux ben, ils n'étaient pas, etc. Mais enfin, il y a tout un. Et ça s'appelle le droit positif. On applique le droit tel qu'il existe, alors qu'en fait, on devrait appliquer le droit en tant que tel par rapport à un certain nombre de principes généraux hein, qui peuvent travailler dans le cadre des droits de l'homme au sens large du terme et ne pas respecter le droit strict en tant que tel. Parce que tous les régimes totalitaires, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit Hitler, Mussolini, ou actuellement en Chine, il y a le droit. Ils disent, mais on est un état de droit. Hein, et le droit s'applique, mais quel droit? Sur quelle base? Donc c'est ça. Et donc là, par rapport à ça, c'est tous ces principes-là qu'ils vont mettre en place, et par conséquent, ça explique pourquoi, effectivement, actuellement, eh bien, le problème par rapport à tout ce qui se passe, tous ces génocides en cours, après c'est l'exécution. Comment les arrêter? Quelle force donner? Et là, on retombe sur rapport de force. Hein, les mandats d'arrêt existent, mais ils ne sont pas exécutés. Voilà. Parce que, on voit bien actuellement, vous avez vu comment la situation change. On vivait depuis 1945 sous un certain régime, l'Organisation des Nations Unies, avec un certain nombre de choses, de concepts, de droits qui existaient. Mais depuis un an, avec Trump, c'est en train de voler en éclats. Parce que c'est, une fois de plus, actuellement, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et le reste, donc pour lutter actuellement, c'est difficile. Mais il ne faut pas pour autant laisser tomber. C'est pour ça que c'est important de pouvoir continuer à résister et à se battre par rapport à ce qui se passe. Oui, mais bon, prenons le qualificatif de génocide. Bon, on parle de génocide à Gaza. On n'a pas parlé de génocide en Irak, alors qu'il y a eu un déluge de bombes et un million de victimes, voire plus. Oui. Et ben, personne n'a été poursuivi pour ça. Absolument personne. On n'a jamais... Non, il y a eu des. Pour lire. Oui, il y a eu des poursuites, mais qui n'ont pas abouti. Oui, le génocide, il faut qu'il soit qualifié. En tout cas, non, mais, jamais entendu parler. Non, mais on ne parle pas que de génocide, il y a aussi le crime. Oui, mais là, c'était des crimes de guerre. Il y a le cas de Guatemala. Côté malin, il y a un véritable génocide qui n'a jamais été qualifié, alors que c'est un génocide. On a sorti le mot de génocide du chapeau. Non. Or, j'ai vu des massacres comparables, voire pires, et on ne l'a pas sorti du chapeau. Mais c'est là le problème. Ça montre bien au niveau du droit international qui est en place et qu'est-ce qu'on va hiérarchiser éventuellement et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Parce que même en Syrie, on n'y a pas été de main mort. Ouais. On disait c'est des djihadistes, tout est permis. Voilà. Je ne suis pas pour le djihad, mais c'est pareil. Il semble que c'est joli quand même. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on voit bien que ce qu'il y a. Il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en place, mais pas toutes. Là, c'est un problème de carrément de rapport de force. Et c'est là qu'on voit que c'est la géopolitique de votre vie qui s'impose. Et là, ce que vous dites par rapport à l'Irak ou par rapport à la Syrie, parce qu'à un moment donné, eh bien, comme disaient les Américains à un moment donné, en parlant du Guatemala, par de Noriega, en disant c'est un bâtard, mais c'est notre bâtard. Parce qu'il nous sert. Moi, j'ai l'impression que quand c'est les États-Unis qui sont dans le coup, de toute manière. Mais là, on va pas très bien. Mais pourtant, c'est eux le premier génocide. Oui, il y en a eu sûrement d'autres. Il y a eu d'autres, mais enfin, on peut estimer que le génocide des Indiens, même avant le génocide des Indiens en Amérique du Nord, il y a déjà eu le génocide des Indiens du temps de Christophe Colomb, déjà, parce qu'il a escassé, après avoir liquidé. Tous les Indiens des Antilles sont allés chercher les Noirs comme esclaves pour faire le travail, etc. Donc les génocides, à travers toute l'histoire, il y en a sans arrêt. On a reconnu celui des Héros. Héros, oui. Héros, c'est le. Ça y est, par les Allemands sur la population de Namibie. Mmh. Voilà, effectivement. Mais pareil, là, on pourrait dire aussi qu'il y a plus de tendance à reconnaître les génocides commis par ceux qui sont à un moment donné, en guillemets, vaincus, que par ceux qui sont dans le camp des vainqueurs. Mmh. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Juste pour revenir à la réponse que vous avez faite à monsieur sur la responsabilité individuelle, en fait, des fonctionnaires et l'idée que finalement chacun peut participer à son échelle à la commission d'un génocide par complicité. Comment vous expliquez finalement qu'il y a eu si peu de procès à ce moment-là parce que. Finalement, il n'y a eu que des procès assez conséquents et médiatiques sur des personnes qui ont participé à des échelons extrêmement élevés. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi poursuivre des conseillers d'État lorsqu'ils se sont posé la question de savoir comment justifier un juif ? Tout à fait. Mais là, pareil, c'est parce que, effectivement, d'abord, au niveau de. Quand il y a eu l'épuration, il y a quand même des gens les plus compromis, effectivement. La collaboration, certains ont été tout de suite, comme Brasillac par exemple, qui était très connu, ont été tous poursuivis et d'ailleurs exécutés. Voilà. Mais il a fallu reconstruire le pays, comme on dit, et dans ce cadre-là, eh bien, il a fallu faire avec le peu qui n'était pas très collaboratif, qui n'était pas trop marqué par la collaboration, par rapport à la résistance. Puisque, comme je dis, par rapport au problème juif, c'est pour ça que Papon était passé à côté, parce que le problème juif n'existait pas. Par rapport à la conscience française, en août 1944, ils étaient encore dans les camps. Hein. Ils sortiront des camps. Et les quelques, comment dirais-je, survivants qui sont venus, ils ont tellement été sidérés par ce qui s'est passé qu'au début, ils ont rien fait par rapport à ça. On ne leur donnait pas la parole. Et ce qui était assez emblématique, justement, c'est que le 11 novembre 1945, donc, fin de la guerre, en 1945, il y a donc un hommage qui est rendu à toutes les victimes à l'Arc de Triomphe, avec une série de cercueils représentant les différentes strates, les résistants, les internés, etc. et compagnie. Bien, il n'y avait pas de cercueil représentant les juifs. Pas plus que les tziganes. Parce qu'on l'oublie, mais les tziganes aussi ont été exterminés par le régime nazi. Hein. En France, ils ont été discriminés. Hein. Il y a eu des camps de nomades, on a dit des nomades, voilà. Hein. Et du temps d'Hitler, ils étaient considérés justement aussi comme des sous-hommes. Et donc, il faut savoir qu'en plus qu'un pourcentage, c'est encore plus important. Parce que, vu la population, c'est pratiquement la moitié de la population, ce qu'on appelle des Roms, hein, en son sens large, c'est-à-dire les romanichels, les sinti, les différentes populations roms, eh bien, ont été anéantis. Mais seulement, comme c'est un peuple, on peut dire, qui n'a pas de d'archives écrites, c'est-à-dire c'est un peuple de la parole, eh bien, ils n'ont pas eu aussi une importance telle, ils n'ont pas eu aussi un État qu'après a eu Israël, qui a pu appuyer par rapport au juif, ce qui s'est passé, et par conséquent, c'est passé à la trappe. Mais par rapport à la question générale que vous posez, effectivement, il y a toujours une sélection, si on peut dire, au niveau des génocides. Il n'y a pas que ceux qui, heureusement, un certain nombre ont été poursuivis, mais pas tous. Et là, après, c'est les rapports de force, effectivement, en fonction de la situation géopolitique. Et on comprend bien pourquoi certains sont poursuivis et pas d'autres. Ou bien poursuivis plus tardivement. Parce que là, ce qu'on peut penser, c'est que dans quelques temps, peut-être, qu'à ce moment-là, on va se rendre compte de ce qui s'est passé en Syrie, puisque quand même Bachar al-Assad s'est réfugié, effectivement, chez Poutine. Non, mais moi, je parle de ce que les Alliés ont fait en Syrie. Oui. Nous, en premier, d'ailleurs, les Français bombardaient. La ville d'Alep, elle était coupée. Parce qu'il y a eu Bachar, mais oui. On a pris le relais. Oui. Je ne dis pas qu'ils étaient adorables, hein, ceux qui bombardaient, c'est pas du tout ce que je pense. Ouais. Mais enfin, il y avait des femmes, des enfants. Oui, il y a tout, des civils, effectivement, qui n'avaient pas. Parce que le principe général, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer aux populations civiles. Oui, et là. C'est un principe de base. Et là, on n'a rien dit. Ouais, tout à fait. On n'a jamais prononcé ce mot de génocide, donc il y a beaucoup plus de monde. Absolument. Je suis d'accord. Revenir sur l'histoire du devoir d'obéissance. On l'a vu pour le procès Schuman. Il y a deux versions, je ne sais plus, il y en a qui disent oui, c'est un bon fonctionnaire, il a fait ce qu'on lui disait, mais après on s'est aperçu que c'était un nazi convaincu. En plus. Est-ce que Papon, on sait. Alors. Est-ce que c'était un antisémite convaincu? Non, non, alors. Il n'y a aucune trace là-dessus. Alors, disons que ce qu'il y a. Alors, il faut savoir que Maurice Papon, au cours de son procès, a osé se comparer au capitaine Dreyfus. Oh. Hein, il a dit, je suis victime, comme le capitaine Dreyfus. Mais à un moment donné, par rapport aux Juifs, il a laissé entendre que c'était un complot des forces obscures pour qu'il était là. Bon. Donc, mais en même temps, il a dit en plus, mais attention, moi, j'ai quand même sauvé quelques Juifs. Ah ben oui, le rabbin, le grand rabbin. Et là, le grand rabbin, oui, le grand rabbin, et puis ce qu'il y avait à l'époque, les juifs, comme il disait, ils existaient à l'époque, les juifs intéressants. C'est quoi un juif intéressant? C'est un juif qui, à l'époque, a fait la guerre, donc ancien combattant, et par conséquent qui a rendu service à la France. Alors celui-là, il a le droit, effectivement, d'être. Ils ont été déportés comme les autres, mais deux ou trois, hein. Voilà. Mais par rapport à ça. Pour bien montrer qu'en réalité, même au-delà des juifs intéressants, c'est une politique générale et totale, le propre responsable du consistoire à l'époque, Heilbronner, le plus haut responsable juif de l'époque, plus haut consistoire, qui était un ami personnel de Pétain, et bien lui aussi, il est quand même parti en Auschwitz. Et ça pour dire que dans le cadre du régime de Vichy, Vichy a mis en place une législation antisémite encore plus restrictive que les législations nazies au niveau de qui est juif ou qui n'est pas juif. Et il y a eu une exposition à Paris 41-42 qui a eu vraiment un succès populaire très important. On voyait tous comment on reconnaît un juif, etc. Enfin, des trucs ahurissants, mais montrant que entre 40 et 44 en France, justement, au niveau de la responsabilité des fonctionnaires, j'ai un exemple qui intéresse. Parce que j'ai travaillé sur l'histoire de Belleville. Rue Ramponneau, il y a écoles. Oui. Une école de garçons, une école de filles. Quand les enfants sont arrivés avec l'étoile jaune, c'est un quartier juif. Oui. Bon, ils pouvaient, ni l'un ni l'autre ne pouvait dire enlever cette étoile ou on enlève cette étoile. Mais la directrice d'école des filles a dit, elle a réuni tous les enfants. Elle a dit, une partie de vos camarades porte cette étoile. La première qui se moquera, qui dira quoi que ce soit, sera punie. Le directeur de l'école de garçons, il dit, vous avez remarqué que désormais vos camarades juifs portent l'étoile. Je trace cette ligne dans la cour. Si un enfant juif passe cette ligne, il sera puni. Donc, le comportement différent. Et ni l'un ni l'autre ne. Enfin, elle risquait rien en disant ce qu'elle a dit. et lui n'avaient pas davantage à dire ça, mais ils ont eu des attitudes. Alors ça n'a pas empêché les petites filles de partir pour Auschwitz, probablement. Mais au moins le temps qu'elles sont restées là, elles ont, ben voilà, elles ont moins, elles n'ont pas été humiliées et elles n'ont pas souffert de la même façon. Donc on a toujours une marge. Il y a toujours une marge. Christophe a parlé tout à l'heure du 2000 grammes, tout ça, effectivement. Oui. Quand on lit les témoignages de massacres et tout, il y a toujours un petit pourcentage de gens qui refusent d'obéir aux ordres et à qui n'arrivent pas. Enfin, comme, alors là, vraiment, c'est autour de 10%. Là dans les, chez les juges, c'est pas beaucoup. Un sur 3000, là, ils n'ont pas assez fort. Mais il y a cette histoire, les hommes ordinaires, là, qui est formidable. C'est édifiant. Parce que c'est des gens ordinaires qui sont envoyés à faire la Shoah par balle. Et la veille de commencer ce massacre, leurs officiers leur disent « Vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est ça. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'allez pas. » Et il y a 10% des gens qui n'ont pas été. Ouais. Et à qui il n'y a rien. Donc on a buté la... Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien d'arrivé. Ouais. Ils sont restés avec les... Oui, parce que dans les équipes, ils ne voulaient pas avoir des gens qui vomissent en... C'est pour ça. Et même le soir du premier jour, quand ils avaient commencé à massacrer, ils ont encore eu la possibilité de se retirer. Et je crois qu'il y a 3 qui ont dit non, on ne peut pas continuer. Les autres, non, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été mise en place ensuite la solution finale industrielle, Danzé, parce que à force de tirer, il y en a qui devenaient un peu fous quand même, etc. C'est très difficile quand même de tuer sans arrêt comme ça. Chez Browning, ils disent tout. C'est vraiment les deux premiers jours les plus durs. Après, c'est un travail comme... Après, c'est du boulot. Et Tutsi, pareil, à la machette. C'est un travail. Quoi. C'est un travail. Le matin, c'est pour... Enfin, ils étaient tous sociodémocrates, là, les gars de Browning, c'était des réservistes de Hambourg, dont la plupart étaient militants sociodémocrates. Ouais, donc, pas des gens droits. Juste un petit bémol par rapport aux magistrats. Il y a quand même eu 40 magistrats qui ont été résistants. Et qui ont fait partie, notamment, il y a un procureur qui était à... Comment s'appelle ce bled ? Près de Clermont-Ferrand, hein, et qui faisait des faux papiers, etc. Et lorsque il a se fait avoir, il est allé à la prison. C'est lui-même qui a ouvert les cellules de tous les prisonniers. Il est parti avec eux dans le maquis. Voilà. Mais il y a eu 40 sur 3000. Puis il y a des policiers qui ont prévenu des juifs. Voilà, alors, pas vous. Alors les policiers. On a eu quand même. Alors les policiers, deux choses. Il y a eu des policiers, effectivement, qui ont prévenu les familles en disant attention, etc. Par contre, là, c'est le bouquin de Maurice Rachus sur Veldiv. Maurice Rachus et sa mère et lui ont été dénoncés par leur voisin, qui était un policier. Et, je ne sais pas si vous avez eu l'histoire aussi de Maurice Rachus, pour la suite. Maurice Rachus a retrouvé ce policier en 1945, membre du Parti communiste. Essaye de la raconter. Et il l'a dénoncé. Et lui-même s'est étonné ensuite à la deuxième réunion, peut-être, je ne sais plus, en disant non, mais vous vous rendez compte. Et en fait, c'est lui qui est parti. Le PC savait très bien qui était ce type. Il nous l'a raconté. On a rencontré Maurice Rachus et nous parlait des fichiers de police. Il avait des raisons. Il a écrit 50 bouquins. Les trois quarts, c'est contre les flics. Il disait, et les flics à juste raison. Parce qu'effectivement, après, à 45, il veut militer dans le Parti communiste. Il va dans la cellule et il voit le flic qui a arrêté ses parents qui ne sont jamais revenus. Donc, au chef de cellule, il dit... il y a un petit détail en plus. Il lui dit, c'est bizarre, pourquoi vous avez ce mec-là? C'est lui qui a déporté mes parents. Le chef de cellule dit, je vais faire une enquête et puis je te dis la semaine prochaine. La semaine suivante, le chef de cellule revient et dit, le camarade Raton, il s'appelait en plus ce flic, a rendu de grands services à la résistance. Voilà, c'est ça. Dernière chose par rapport à Rachus, comme je vous dis, Maurice Papon, au début de son procès, a essayé de faire une sorte de témoignage, etc. Et il a fait citer Maurice Rachus aussi. Pourquoi il a fait citer Maurice Rachus? parce que Maurice Rachus, qui a juste titre dénoncé effectivement d'avoir la police dans la collaboration, mais il a dénoncé aussi la façon dont certains notables juifs avaient, ça s'appelle l'UGIF, l'Union Générale d'Israël de France, avaient essayé de sauver ce qui pouvait être sauvé, et par conséquent, ont participé. Oui, oui. C'est ce qu'Anna Arendt aussi rappelle, les fameux Judenrat, les conseils dans les pays de l'Est, pour dire que bon, eh bien, on va essayer de sauver ce qu'on peut sauver, soi-disant parce que ils vont pas. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, une fois qu'un mille dans le grenage, qu'ils étaient de bonne voilà, foi, ils ont tous parti. Voilà. Et donc, comme Maurice Rachus avait fait notamment un livre, qui s'appelait L'UGIF, dans lequel il dénonçait ce comportement, Maurice Papon voulait le faire citer pour pouvoir dire, voyez, hein, même à l'intérieur, voyez. Alors il m'en est, quand je le connaissais à l'époque, cette soirée, il m'a dit, mais tu fais une lettre, il a fait une lettre recommandée, qu'il a envoyée au président de la Cour d'assises en dénonçant la manœuvre, et il l'a fait savoir pour dire, il n'est pas question que je serve de caution par rapport à ça, vu ce qu'a fait Maurice Papon, c'est un même montré comme Maurice Papon. Mm-hmm. Elle essaie de jouer de toutes les cartes possibles pour pouvoir, et c'est pareil, comme je disais, donc il a essayé de dire qu'il avait sauvé le grand rabbin Cohen. En fait, c'était démontré à l'audience que ce n'était pas vrai, c'est pas lui qui l'a sauvé, mais c'est vrai qu'il était en contact avec les notables du coin, et que certains notables, comme des notables en soi, ben effectivement, ont toujours tendance à un moment donné à dire bon, on va laisser partir, parce que pour France, c'était les juifs étrangers. Bah, surtout une fois que les carottes étaient. Voilà, tout le monde non, parce qu'au départ, quand il y a eu les accords Robert Bousquet, je n'ai pas le temps de parler en juillet 42, c'est parce qu'on visait les juifs étrangers. Mmh. C'est les étrangers. Et en fait, c'était les juifs français aussi. Mmh. C'est Pierre Laval qui a permis, si on peut dire entre guillemets, que soient déportés les enfants. Ouais. Les nazis voulaient que les adultes. Ouais. Mais les enfants, on ne va pas les laisser. Ils sont mis avec leurs parents, quand même, les enfants. Ouais. Et donc, c'est les enfants qui ont été déportés avec les parents. C'est Vichy qui était les plus loin encore. Dans toute la zone, l'ancienne zone de résidence des Juifs, c'est-à-dire l'Ukraine, la Pologne, etc., ils ont déporté absolument tout le monde et massacré les bébés aussi. Ah oui, là, ça a été donc, massacre complet. Babillard, le fameux, oui, notamment près de l'Ukraine. L'Ukraine était en première ligne. Il y a eu absolument. Donc, si vous voulez, et ce qui est, souvent quand on écoute un papon à son niveau, qu'on écoute, comme tu disais, Philippe, Eichmann, lorsqu'il était jugé, il y a un décalage incroyable. Mais qu'on dit, tu envoies les juifs à la mort, comme quand tu fais une série de chiffres, tu pointes des noms, tu fais tes statistiques, ouais. Et puis voilà, bon, c'est des juifs, comme ça peut être. Parce que Maurice Papon, comme je disais, à l'époque, il était responsable du service des juifs, comme du service du ravitaillement et du carburant. Et pour lui, pareil, c'était une chose, c'était un document administratif à remplir, ben c'était pareil. Voilà. Mais Papon, après tout ce que vous avez dit, on a l'impression que c'est surtout un formidable opportuniste, quoi, qui passe de là. Et ça, il y en a plein, déjà. Grâce à sa compétence. Quand on est compétent, eh bien. Qui voilà. Serve n'importe qui. Voilà. C'est la compétence qui est mise au service. Ils n'ont aucune conviction. Ce qu'il appelle l'État. Enfin, l'État, c'est le pouvoir, quel qu'il soit. Il sert le pouvoir. Et sa compétence lui permet de pouvoir monter les échelons. Et je vous dis, à travers. Il a fait toute sa carrière de haut fonctionnaire jusqu'au plus haut niveau par rapport à la police, qui était donc le préfet de police de Paris, qui était le plus haut niveau à ce niveau-là. Mais il a fait une carrière politique. En même temps, et ça il n'a pas le temps de vous le dire, mais pour montrer comment il était bien placé, qu'il tenait tout, en même temps qu'il était effectivement président de la commission du budget, la mise du budget, il était à l'intérieur de l'UDR, c'est pas celle de maintenant, mais c'est vrai, ce qu'il essaie de proposer le même nom, l'UDR de l'époque, l'Union des Forces de la République, donc à l'époque c'était la machinerie gaulliste, hein, et bien c'était lui qui était le trésorier. C'était le trésorier. Donc, par conséquent, celui qui a la main dans les finances, et il savait qui avait été financé pour tel ou tel un député ou quoi que ce soit. Donc, il avait une connaissance du personnel politique très importante. Et c'est pour ça que, grâce à cette double casquette, à la fois, disons, de trésorier du parti dominant et en même temps de ministre, il s'estimait intouchable. Voilà. Et c'est grâce justement à des individus, Michel Cetinski et d'autres, hein, qui ont été tenaces, qui n'ont pas hésité, et grâce aussi justement, je disais, certains fonctionnaires comme Cavaignac, cet artiviste qui a cette. Et donc que les affaires quand même sortent. Oui, je voudrais parler du camp de Drancy. Mm-hmm. Alors, j'habitais au camp de Drancy de 78 à 82, c'était des logements sociaux. Il faut savoir qu'on parle du camp de Drancy, mais en fait, dans les années 32, à Drancy, on veut faire des grandes tours, des gratte-ciel de 15 étages. Et il y a le fameux U, qui est le camp de Drancy, je pense que vous avez dit moi. Alors, on projetait de l'appeler Cité de la Muette. M-U-E-T-E, moi j'habitais Cité de la Muette. Parce que c'était sur l'endroit d'un chenil. Bon. Donc on sait le camp de Drancy, tout ce qui se passe, M. Papon qui en veut. En 46, parce qu'en fait, n'avait pas été complètement terminé. Il n'y avait pas les cloisons qui avaient été montées. C'était encore des. En bas, enfin, moi je marche là dans la cité de la Muette, excusez-moi, c'était comme des hangars. Il y avait des quatre étages, mais qui n'étaient pas vraiment finis. En 1946, on met des cloisons, on donne un petit coup de peinture, il ne s'est rien passé, hein, ici. Et donc, on reloge tout de suite des gens. Alors, c'est vrai qu'il y avait une crise du logement, mais enfin, on justifie comme ça, on peut quand même être là, il y a quand même des juifs qui sont passés, bon, les gens sont à l'abri. Donc, on met des gens. Moi, quand je suis arrivée en 1978, il y avait une toute petite plaque à la conciergerie. Ici sont passés 100 000 juifs. J'étais complètement ignorante à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bref, ce n'est que dans les années 80 où on a commencé à mettre une stèle et le wagon qui est venu après. D'accord. Voilà. Et j'y suis retournée il y a peu de temps. C'est toujours des logements sociaux. Il ne s'est rien passé. Et ça s'appelle Cité de la Muette. Il faut vraiment faire. Moi, je ne sais pas si vous étiez... Mais la première fonction de ces bâtiments, ça devait être des logements sociaux. Oui, mais comme ils étaient inachevés, qu'il n'y avait personne dedans, on s'en est servi. Et bien situé par rapport aux lignes de... C'est sur tout ça, Et les tours, en fait, ont été... Alors, les tours, elles ont été un petit peu habitées avant-guerre, puis en fait, en 76, elles ont été détruites. Mais enfin, c'est un lieu, enfin... Mais il y a une très bonne BD qui est sortie sur Drancy, vous l'avez Non, je ne l'ai pas, mais enfin, moi, j'y retourne... Oui, mais ça, elle est vraiment... Et lorsque je suis retournée, dans les années 2000 et quelques, je vais devant le 8 où j'habitais... Et là, je vois ici est mort Max Jacob. Jacob qui était chrétien. Depuis deux générations, il a été déporté. Et c'est son père qui était tailleur en Bretagne qui a inventé le costume traditionnel breton. Alors, il a eu l'idée de faire ses broderies par rapport au motif des tombes. Donc, en fait, ce qu'on croit très breton, c'est un tailleur juif établi en Bretagne, mais du reste converti. Mais Jacob était converti et personne n'a pu le faire sortir. Tout le monde s'y est mis, Cocteau, qui était très bien vu des nazis, et pour cause. D'ailleurs, Cocteau, il essayait de. Ça pour dire que Vichy était plus restrictif. Bon, ah ben non, mais là, c'est en Asie. La province d'Algérie, qui était le département français, Vichy, sans les Allemands, ils ont fait pire que prendre le vif. Ils avaient le droit de la nationalité française, pas droit d'avoir certains travail, condamné au boutique, dans le souk, et les Arabes à la charrue, quoi. C'était ça le discours. Tu ne nous as pas dit qu'est-ce qu'il y avait de plus avec cette réédition de Passager clandestin, très bonne éditeur. Non, la réédition, d'abord, ne serait-ce que justement ce que je vous ai dit à la fin, c'est-à-dire tout le passage concernant la Cour de cassation jusqu'à la mort de Papon. Donc, c'est le chapitre, c'est un chapitre que j'ai appelé. Très vendu. Il y a un chapitre de plus, pas la fuite, j'ai fait un jeu de mots sur la fuite de Papon, etc. Puisque donc le premier que j'ai sorti, je l'ai sorti juste après le procès de Paris, donc en 98, c'est pour ça qu'il sortait en 99, voilà. Et là, la réédition 25 ans après, c'est d'une part parce qu'il y a donc à la fois donc, tout ce chapitre concernant la, disons, l'après-procès de 98 à 2007, et toutes les péripéties que je vous ai racontées, la fuite en Suisse, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Légion d'honneur, etc., tout ça et tout, voilà. Et en même temps, j'ai beaucoup plus étoffé la dernière partie, qui était, je pense, sur ce que j'ai appelé ça le 17 octobre 61, la nuit de cristal des policiers français, une référence à la nuit de cristal en 38 à Berlin, en Allemagne, voilà. Et donc, parce que depuis aussi, il y a eu l'historiographie, grâce à Jean-Luc Enaudi et à d'autres, a beaucoup progressé, et on sait beaucoup plus maintenant de choses maintenant sur ce qui s'est passé le 17 octobre, et ça devient maintenant d'ailleurs, enfin, et vous le verrez dans le livre à la fin, je le dis, ça a tardé, mais d'abord, François Hollande, doucement, et il faut reconnaître de ce côté-là Macron plus, disons, fortement, a reconnu qu'il s'était passé un massacre. Ça n'a pas pu l'être pour le moment. Parce que moi, je dis, à la fin du film, il n'y a pas que moi, il y a l'idée des droits de l'homme, le MRAP, toutes d'associations et de gens, et sans compter sur les familles des gens qui ont été tués à cette époque-là, veulent faire reconnaître la qualité de crime d'État. C'est un crime d'État qui a été commis le 1761. Voilà. Et par conséquent, il y a tout un travail de mémoire qui continue par rapport à ça. Mais en même temps, toute la façon... Tu peux citer ça sur le 17 octobre. Un bouquin fait par Jean-Louis Mandepol qui a essayé de recenser toutes les archives pour voir le nombre de morts, c'est beaucoup plus que 150. C'est à peu près 300. Il en a entre 150 et 300. Ouais. Et donc, ça pour dire qu'il y a donc eu une reconnaissance, quand même, en partie. Il y a eu quand même, c'était il y a deux ans, hein, Macron est allé sur le pont à Neuilly, il a jeté symboliquement des roses, etc. Et il a reconnu qu'il y a eu un massacre. Mais c'est un massacre pour lui isolé. C'est Maurice Papon qui est responsable. Et moi, dans le bouquin, à la fin, je dis attention, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Maurice Papon, effectivement, c'est lui qui était à la manœuvre à ce moment-là, mais il a été couvert. Il a été couvert et même félicité par sa propre hiérarchie, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République. En conséquence, le responsable, évidemment, ça c'est difficile à entendre. Et à reconnaître à cause du mythe que représente le général de Gaulle, hein, mais le responsable, et donc le crime d'État, a été avalisé, sinon commis, mais avalisé et en conséquence couvert par le président public. Donc c'est le général de Gaulle lui-même qui est le responsable de ce qui s'est passé, puisqu'il a accepté, il a pas sanctionné en aucune façon Maurice Papon, au contraire, en disant il a tenu bon, il aurait quand même pu faire autrement, il a dit, mais enfin, il n'y a plus eu de sanction. Par conséquent, c'est bien l'État français en tant que tel qui est responsable, et pas seulement Maurice Papon, qui était effectivement à la manœuvre, hein, mais ce n'est pas que lui qui est responsable. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté le chapitre que je consacre au 17 octobre, et plus important, j'ai également, bien sûr, élargi à la fois la chronologie, et j'ai donné une bibliographie plus importante, et surtout j'ai pu obtenir à la fois une préface par Johann Chapoutot, qui est un historien assez connu sur le nazisme. Là, vous avez eu son bouquin là, qui a sorti justement l'année dernière, Les Irresponsables. Montrer comment justement c'est la droite qui a vraiment fait la courte échelle à l'extrême droite pour qu'elle prenne le pouvoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de rééditer ce bouquin il y a deux ans qui m'était proposé, parce que vu la situation aussi qu'il y a actuellement en France, hein, par conséquent, c'est demander attention, hein, ça peut se reproduire, et la façon dont la droite peut servir de tremplin et de marchepied à l'extrême droite, rappeler justement que Maurice Papon, ce qui a été, comment à l'époque, justement, c'est bien un régime d'extrême droite qui a été mis en place. Or, lorsque on rappelle Vichy, lorsque on étudie le régime de Vichy, hein, un des points qui a été rappelé, parce qu'au procès Papon, il y a eu un certain d'historiens qui sont venus. Rappeler qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, qu'est-ce que l'histoire, etc. C'était un Jean-Pierre Azéma, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et Jean-Pierre Azéma, parmi les points qu'il expliquait comment était le régime de Vichy, il finit, le cinquième point, c'était Vichy est en faveur d'un rassemblement national. Ce qui fait écho à un certain parti d'aujourd'hui, et en même temps montrer comment justement le Rassemblement national, qui est l'héritier du Front national, je rappelle à ce niveau-là, ben, vous le savez aussi bien que moi, mais enfin qu'à un moment donné, Marine Le Pen avait essayé de lisser en essayant de dire que son père, quand même, était un peu loin, etc. Et tout. Quand le père est mort, aussi bien Marine Le Pen que Bardella a dit on revendique tout l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Or, le Front national a été créé par des collabos, des Waffen-SS. Hein, bon, et par conséquent, le Rassemblement national est l'héritier direct de cette extrême droite fasciste et nazie. Par conséquent, il faut aussi le rappeler. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle j'ai estimé, enfin, on m'a suggéré effectivement de rééditer ce bouquin, et en même temps, parce qu'au-delà de la journée d'aujourd'hui, donc je fais aussi des conférences ailleurs, devant d'autres associations, et surtout, ça je l'ai déjà fait à l'époque encore plus, mais je le refais maintenant, dans les lycées ou les classes préparatoires, pour dans les lycées, dans le cadre de programmes d'histoire, etc., pour rappeler aussi un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est important que de connaître son histoire. Et c'est pour ça qu'en même temps, j'ai une postface d'Arié Halimi, qui est à la fois avocat à l'Église des droits de l'homme et qui, en même temps, qui était juif d'origine. Par conséquent, on sait de quoi il parlait. Et juste pour montrer les combats continuent actuellement, si vous avez suivi récemment l'affaire qui vient de passer au tribunal correctionnel à Paris des 9 policiers là, qui ont été poursuivis par Gros Gilets jaunes, le défenseur des partis civils, c'est Arié Halimi. Ouais, et puis finalement ils n'ont pas été encore condamnés. Mais c'est ça, le délibéré est en cours. Le délibéré sera rendu à la mi-mars. Ouais. Voilà. Mais déjà que des peines aient été requises, c'est un grand progrès. Ouais, ouais. Non, surtout, je n'ai pas suivi de près est-ce que les peines complémentaires, parce qu'en général, dans ce genre d'affaires, on demande des peines complémentaires. C'est ces peines complémentaires qui n'aiment pas trop les policiers, c'est-à-dire la révocation de la police. Mmh. Ou du moins, sinon, un minimum de sanctions pour ne pas apparaître sur la voie publique pendant tant d'années. Mais surtout la révocation. Donc là, mais actuellement, on ne sait pas. Et surtout, en plus, il faut savoir que toutes ces peines complémentaires, et ça, c'est un problème de droit général qu'il faut savoir, hein, lorsque vous êtes condamné à une peine complémentaire, ce n'est pas automatiquement qu'elle va s'appliquer. Parce que quand vous avez fait ce qu'il fallait pour le reste, vous pouvez demander par voie de requête au tribunal à être relevé de cette peine complémentaire. Et en arguant que vous êtes réinséré, etc. etc. Et, tout. Et ça, on sait actuellement qu'un certain nombre de personnes qui ont été condamnées à des peines lourdes ou des peines aussi d'inéligibilité, etc., ont réussi par ce biais-là à refaire surface et à réapparaître, parce que ça a été moins médiatisé. Entre-temps, la peine presque a été purgée. Mais là, actuellement, effectivement, pour les policiers, enfin, à mon sens, hein, la peine principale, ça serait justement là, à ce qu'il soit effectivement révoqué de la police. La révocation pure et simple. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va continuer à discuter en durant un coup. Donc, Jean-Jacques, merci pour cet exposé.